Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour. Voilà, en octobre 2017, Écran Total, un groupe qui s'oppose à la gestion et à l'informatisation de nos vies, s'était réuni dans le Massif Central. Et à cette occasion, comme lors de chacune des réunions qu'ils organisent, il y a un petit retour historique sur les différentes luttes sociales. Et lors de cette session, il y a été question de l'histoire de la CFDT, la Confédération Française Démocratique du Travail. Et du coup, voilà. Club Carré a fait un exposé sur la CFDT, autogestionnaire dans les années 70, et ensuite Marie Guisse a fait un autre exposé sur la CFDT et son opposition au nucléaire lors des mêmes années 70. Donc ça va être une émission en deux parties et je vous propose d'écouter cette première partie sur l'histoire de la CFDT autogestionnaire dans les années 1970. Je laisse donc tout de suite la parole à Claude Carré. Donc peut-être déjà en deux mots vous dire comment j'ai procédé, voilà un peu le discours de la méthode. J'ai d'abord eu beaucoup de plaisir à me replonger dans cette histoire, bon, qui a été en partie la mienne, puisque j'ai été à 19 ans, j'entrais à l'usine pour une dizaine d'années, enfin dans plusieurs usines, sans être syndiqué. Hein. J'ai été syndiqué plus tard, à partir de 80, alors que c'était plus du tout la CFDT des années 70 et autogestionnaire. Voilà. Je me suis plongé donc dans des documents que j'avais, parce que je suis assez archiviste, des bouquins que j'ai relus pour certains, d'autres que j'ai découverts. Et puis, à partir de là, ben, j'ai construit l'exposé qui va vous être donné. Alors, la difficulté que j'ai tenté de résoudre, c'est qu'il me paraissait très compliqué de parler de la CFDT des années 70 sans parler de ce qui précède. Donc un peu la genèse de la CFDT, donc je vais essayer de pas trop m'attarder là-dessus, mais ça me paraissait quand même indispensable. Par ailleurs, l'autre difficulté, c'est que c'est un champ énorme, parce que la CFDT, contrairement peut-être à l'anarcho-syndicalisme, est davantage liée à tout le champ politique de la gauche, enfin je devrais dire des gauches, ce qui fait qu'on peut là aussi difficilement parler de la CFDT sans parler des relations qu'elle entretient avec les différentes formations de gauche de l'époque, comment elle se positionne par rapport à elle, et puis également bon, donc, les débats d'orientation qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut à la fois tenir la question des luttes, qui est importante et que je sais vous passionne, mais également les débats d'orientation qu'il y avait et le rapport aux politiques qu'elle a entretenu pendant cette période. Donc, pour ne pas m'attarder plus, il m'a semblé que l'arrière-plan indispensable, c'était la question du christianisme social qui va irriguer l'histoire de la CFDT et qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Je dirais, il y a encore un fil conducteur, si on est attentif aux choses, sur le christianisme social. Donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? C'est, d'une part, une prise de conscience de l'Église, fin du XIXe siècle à peu près, sur l'état de détresse morale et matérielle, réelle ou supposée, de la classe ouvrière, auquel elle entend s'attaquer. Donc il y a un texte fondateur sur le sujet qui est l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII en 1891, des lectures auxquelles vous êtes sans doute habitués, ça je n'en doute pas. Bon, et plus tard il y aura une autre encyclique Quadragesimo Anno 1931 du pape Pie XI. C'est quoi le but de l'Église? C'est d'une part recristianiser la classe ouvrière et lutter contre l'influence des idées socialistes, anarcho-syndicalistes, lutte de classe, etc. Donc le christianisme social, ça va se décliner autour de toute une série de formes. C'est un mouvement d'idées qui n'est pas du tout homogène. Ça va donner, dans certains cas, des mouvements, ça va irriguer l'éducation populaire, avec un mouvement, je pense par exemple au Sillon de Marc Sagnier. C'est l'association française de la jeunesse catholique, fondée par Albert Lemain, ancien officier, qui a participé à l'écrasement de la Commune et qui ensuite va consacrer sa vie à appuyer toutes les législations possibles pour l'amélioration de la classe ouvrière. C'est aussi un certain nombre d'enquêteurs. Là, j'ai pensé à Jacques Valdour, qui est un royaliste maurassien, qui avait fait de nombreuses enquêtes sur la classe ouvrière de cette époque. Paraît-il, je ne les ai pas lues, mais assez documentée, assez précise, mais avec une vision effectivement que traduisent les documents qu'il a publiés, La vie ouvrière, Le désordre ouvrier et la révolte en marche, et l'esquisse d'une psychologie ouvrière. Il y a eu aussi, pour mentionner un dernier auteur, qui est Pierre Lande, auteur d'un ouvrage à succès dans l'entre-deux-guerres qui s'appelle « Le Christ en banlieue ». Il faut noter aussi qu'à la même époque, là on rentre dans l'entre-deux-guerres, c'est là qu'est créée l'école des surintendantes, Keltoum connaît ça, c'est les ancêtres des assistantes sociales, au départ d'ailleurs nommée surintendante d'usine. Voilà. Ça va donner également une branche syndicale, c'est-à-dire avec des premiers syndicats qui se créent en région parisienne, le syndicat des employés du commerce et interprofessionnel, et qui aboutissent à la création de la CFTC en 1919. Donc au départ, c'est 300 syndicats quand même, bon, avec la référence à l'encyclique Rerum Novarum. Donc la CFTC, elle fait du boulot, ce que font d'autres syndicats par ailleurs, des bureaux de placement, des services juridiques, caisses d'entraide, services sociaux, etc. 1924, on a la création de la JOC. Ça va être extrêmement important, par un jeune vicaire belge qui est Joseph Cardjin, et en France, Georges Guérin, qui est vicaire à Clichy. Objectif toujours, recristalliser le monde ouvrier, et la méthode, c'est l'enquête. Voir, juger, agir, c'est le triptyque de la JOC. Et on va retrouver ça, je dirais, tout au long de la formation, je dirais, des dirigeants de la CFDT. Et pour celles et ceux qui ont milité aux côtés des militants chrétiens, c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans leur attitude militante, est assez présent. C'est-à-dire, faut savoir, faut juger, on parle de son quotidien, etc. Bon. Moi, il m'arrivait dans ma jeunesse de côtoyer des copains qui étaient à la JOC, par ailleurs. Moi, j'ai été ailleurs. Et c'était un peu cette dimension-là qu'on m'a retrouvé. J'avance assez rapidement. En 1936, la CFTC, elle a élaboré un plan revendicatif, salaire minimum, allocation familiale, logements sociaux. Mais en même temps, elle s'oppose à la CGT. Elle est contre les occupations d'usines. Elle défend la liberté du travail. Ce qui n'empêche pas quand même, en 1937, et ça, c'est quand même des choses... des éléments qu'on connaît, relativement peu. Elle a quand même 2000 syndicats, 400 000 adhérents, en 1937. Arrive la guerre, la CFTC, elle va s'engager dans la résistance, parce que Pétain, l'État français dissout les syndicats pour créer les corporations, et dès 1943, elle va faire partie du Conseil national de la résistance et participer à l'élaboration du programme. J'avance assez rapidement, fin de la guerre, 1947, il y a un petit nouveau dans le paysage syndical, comme on dit, qui est la CGTFO qui arrive, avec un peu le soutien des Américains et avec l'objectif clair de tailler des croupières à la CGT, qui est à l'époque toute puissante. La CFTC, elle va se lier à un courant politique. Le PC, la CGT forment un couple avec le PC à cette époque-là. Et la CFTC, elle va être liée avec le MRP. Bon, je pense que vous avez entendu parler de ce truc-là. C'est le Mouvement Républicain Populaire, qui est un agrégat de petits groupes républicains d'avant-guerre. Et ça va être le deuxième parti de France, après le PC, après-guerre. Il y aura quelques députés célèbres, l'abbé Pierre, et aussi Bernard Lambert, un des fondateurs des paysans travailleurs dans Loire-Atlantique, qui deviendra la Confédération paysanne, et auteur dans les années 60, je crois que c'était 69, d'un livre, Les paysans et la lutte de classe. Bernard Lambert ayant ensuite passé au PSU. Donc, l'après-guerre, on a à l'intérieur de la CFTC un groupe qui se constitue, mi-groupe de réflexion, mi-groupe d'action, qui s'appelle Reconstruction, en 1946, autour de trois figures, Fernand Henbic, Charles Savouillant et Paul Vigneault. Les deux premiers sont dirigeants de la Fédération de l'électricité. À cette époque-là, il y a eu la création d'EDF, nationalisation de toutes les petites boîtes qui produisaient de l'électricité. Et le troisième, Paul Vigneault, c'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans la résistance en Savoie, mais qui en même temps, avant-guerre, a participé à la défense de Victor Serge, par exemple, et d'André Snin, dirigeant révolutionnaire espagnol. Donc ce groupe Reconstruction, il va rapidement se développer en prenant la rupture avec les fondamentaux de la CFTC, c'est-à-dire la confessionnalisation, la condamnation de la lutte des classes, etc. Et il va rechercher les voies d'un socialisme démocratique. Avec plusieurs sources d'inspiration. La première, c'est le personnalisme d'Emmanuel Mounier. Le deuxième, c'est l'expérience des travaillistes anglais qui ont été au gouvernement de 1945 à 1951 avec un programme on va dire, assez similaire à celui du Conseil national de la Résistance. Il y a un film de Ken Loach qui s'appelle « L'esprit de 45 » qui relate cette période. Et ça va être également, un peu plus tard, là on avance un peu dans le temps, les conseils ouvriers hongrois en 56. Donc on a progressivement un projet politico-syndical qui tend un peu à s'élaborer, où sur le plan syndical, on affirme l'autonomie syndicale, la lutte des classes, l'action de masse, et un projet politique de recherche d'un socialisme démocratique. N'oublions pas que c'est l'époque où, dans les pays de l'Est, on a les révoltes de Poznan, de Berlin-Est d'abord en 53, de Poznan en 56, de Hongrie en 56, etc. Il y a eu également ce qu'on a appelé le schisme entre Tito et Staline, avec bon, aussi là une expérience qui va être intéressante, en fait, d'autogestion un peu impulsée par l'État, de République fédérale. Enfin bon, on ne va pas faire l'histoire de la Yougoslavie. Mais ça veut dire que le stalinisme, toujours très puissant, hein, commence un petit peu à se fissurer. Et on a au plan intérieur, là dans les années, début des années 50, 53, de la conflictualité sociale assez importante. 53, vous avez une grève de la fonction publique en plein mois d'août qui va paralyser l'ensemble des administrations. Contre quoi ? Contre les ordonnances du gouvernement Laniel qui déjà veut modifier les conditions d'avancement et de déroulement du départ en retraite et qui entend raboter les régimes spéciaux. Il y avait déjà des régimes spéciaux là, à l'époque. Et 55, vous avez des grèves dans la métallurgie importantes à Saint-Nazaire, à Nantes, avec des affrontements très durs avec la police. Il y a même il y a un mort. Et là, vous avez des dirigeants qui émergent, bon, comme quelqu'un dont on va entendre parler un peu plus tard, qui est Gilbert Desclercq, bon, dirigeant de la métallurgie sur la région Loire-Atlantique. Il y a un film qui s'appelle Une chambre en ville, comédie musicale de Jacques Demy, qui se déroule sur le fond de ces grèves. Alors, je ne sais plus si c'est à Nantes ou à Saint-Nazaire. Voilà. Bon, j'ai fait quelque chose avec une petite référence cinématographique. Voilà. Bon, parallèlement à la même époque, il y a des modifications, des mutations aussi dans les évolutions plutôt du monde chrétien. Il y a le Concile Vatican II, je suis désolé pour toutes ces références vaticanes, mais qui autorise les prêtres ouvriers. Et ça va avoir son importance quand même dans ce qu'on va voir. Et il y a également la création de l'Action catholique ouvrière et la transformation de la JAC, donc Jeunesse agricole chrétienne, en mouvement rural des jeunesses chrétiennes, ça un peu plus tard en 65. Le groupe Reconstruction, les partisans de la déconfessionnalisation, c'est comme ça que maintenant les choses sont dites à l'intérieur de la CFTC, progressent, gagnent en influence. Il y a un type qui va jouer un rôle très important dans cette déconfessionnalisation, c'est Eugène Descamps. Eugène Descamps, c'est un dirigeant de la Fédération de la métallurgie, un type du Nord, qui est passé par la JOC, lui aussi, et qui va jouer un rôle important avec le souci, dit-il, de ne pas casser la baraque. C'est-à-dire qu'ils vont faire preuve d'énormément d'énergie, mais aussi de pouvoir de conviction pour amener au congrès de 1964 où est créée la CFDT. Voilà. Donc on y arrive. La déconfessionnalisation est annoncée. Il y a une minorité qui n'accepte pas ça, d'environ 30%, qui donc décide de maintenir la CFTC, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Ils auront droit à une reconnaissance de représentativité, bon, c'est un peu surdimensionné, mais voilà, ça fait partie de la guerre de classe, on va dire. Donc, au congrès de 64, c'est Descamps qui fait le rapport introductif, comme il est de coutume dans les congrès syndicaux, il y a toujours un rapport introductif, et Descamps fait un rapport très marqué, avec une tonalité anticapitaliste, où il dénonce, je cite, « les aliénations nouvelles de la société industrielle ». La société industrielle, la formule est très employée dans la CFDT, y compris dans les années qui vont suivre. On ne parle pas à l'époque de libéralisme ou de néolibéralisme, on parle de la société industrielle et du capitalisme. Donc, les aliénations nouvelles de la société industrielle, le phénomène de la domination des technocrates et de la concentration des capitaux qui tend à enlever l'homme tout sens des responsabilités, toute possibilité d'épanouissement. Bon. Et il insiste sur la nécessité, je cite toujours, d'atteindre le capitalisme là où il est, au niveau des cartels et des ententes. Mais comme c'est un ancien de la JOC, un ancien de la CFTC, il se doit de souligner quand même l'évolution de l'Église sous Jean XXIII et rappelle le rôle de la CFTC, les anciens camarades tout proches, dans l'opposition à la guerre de l'Algérie. Et enfin, ce rapport introductif se termine par un appel en faveur d'un socialisme démocratique. où il déclare encore, c'est une dernière citation, « L'opposition n'est pas entre christianisme et communisme, mais entre la conception d'un syndicalisme autonome et celle d'un syndicalisme asservi. » Donc, de 64 à 68, il va y avoir un débat interne à la CFDT, qui va se dérouler de manière très démocratique. Hein, je dirais, les différentes positions sont exposées dans les différentes publications de la CFDT, des tribunes, les dirigeants qui sont mandatés sur tel ou tel truc vont rencontrer les sections, les fédérations, les unions locales, enfin, les différentes instances. Et un débat qui va être nourri d'un certain nombre d'apports intellectuels. André Gors, je n'en cite que quelques-uns, mais il y en a eu d'autres. Serge Malet, parmi les plus célèbres. André Gors, c'est l'époque où il écrit un bouquin, enfin plusieurs bouquins, mais entre autres un qui s'intitule « Néo-capitalisme et stratégie ouvrière, la division du travail, le socialisme difficile ». Serge Malet lui écrit « La nouvelle classe ouvrière », où il analyse un peu déjà les mutations du salariat, avec, selon lui, la montée en puissance des couches techniciennes. Donc ça va être les intellectuels qui, à cette période, vont nourrir le débat à l'intérieur de la CFDT. Mais en même temps, ce débat, on voit assez rapidement qu'il oppose deux conceptions stratégiques qui ne vont pas cesser de parcourir la CFDT. Alors là, je veux dire, bon, on va les retrouver. On ne va pas les retrouver dans le détail, dans ce que je peux vous dire, parce que c'est des histoires aussi, des congrès, c'est des batailles sémantiques extrêmement fines et subtiles. Ce serait fastidieux. Mais il faut savoir qu'il va y avoir deux conceptions qui vont être en permanence s'opposer, parfois fleur et moucheté. Hein, ce n'est pas non plus, très, très brutal comme conflit, comme confrontation, mais en tout cas, elles ont lieu. Alors, la première conception stratégique, elle est incarnée par Marcel Gonin et Edmond Maire, qui sont tous deux des dirigeants de la Fédération de la Chimie, qui pèsent assez lourd, enfin numériquement, etc. Et c'est une tendance qu'on pourrait qualifier de gradualiste, et qui prépare à intégrer les contraintes d'un gouvernement de gauche, les contraintes qu'un gouvernement de gauche rencontrera en cas de victoire, et que le syndicalisme doit lui aussi prendre en compte. Bon, il y a une petite citation, mais je ne vais pas trop abuser des citations, enfin voilà un peu, très sommairement résumé, hein, l'orientation telle qu'elle se présente. Il faut noter que cette tendance-là, à cette époque-là, est opposée à l'unité d'action avec la CGT. Il y a une autre tendance qui est incarnée par d'autres figures, bon, ce qu'on va appeler la gauche de la CFDT. On retrouve Eugène Descamps, qui est le secrétaire général depuis 64, Gilbert Desclercq, dont on a déjà parlé, Pays de Loire, la métallurgie toujours, Descamps aussi, et un autre qui va revenir assez souvent et qui a son importance, qui est Fredo Krumnov. Fredo Krumnov, lui, c'est un travailleur du textile qui a bossé 15 ans en Alsace, 15 ans d'usine. Ils sont tous passés par l'usine. Hein. Bon, après, ils sont tous devenus des permanents de la JOC puis de la CFDT, mais c'est quand même des gens qui avaient connu le travail. Bon. Et Krumnov, il va incarner, c'est également un chrétien, il a également été permanent de la JOC, et il va incarner vraiment l'aile gauche, l'autogestion à l'intérieur de la CFDT. Donc cette tendance-là, avec ces trois figures, maman, il y en avait d'autres, elle prône l'unité ouvrière, la mobilisation et le rapport de force, la remise en cause du droit de propriété, la socialisation des moyens de production et l'autogestion. Xavier Vignat, dans un livre que je trouve moi très intéressant et sur lequel on reviendra, lui parle de deux tendances, une qui serait institutionnelle étatiste, et l'autre qui serait une aile mouvementiste. C'est à peu près les qualifications que je retiendrai pour la suite de l'exposé, pour des raisons de clarté. Ces débats, ce n'est pas des débats qui se déroulent non plus simplement en conclave et en colloque, c'est des débats qui sont traversés par la conflictualité sociale de l'époque, du milieu des années 60, où là on assiste à une multiplication de grèves. C'est la grande grève des mineurs de 63 qui va durer plusieurs mois, avec les municipalités ouvrières qui accueillent les gamins des mineurs, des collectes partout. Enfin bon, une grève où De Gaulle tient la dragée dure aux mineurs. 65, 66, 67, vous avez une multiplication de conflits, entre autres dans l'automobile, chez Saviem, à Caen, au Mans, en 67, avec des affrontements avec les flics. Une grève extrêmement importante à la Rodiaceta à Besançon, c'est le trust Rhône-Poulenc qui va marquer juste l'avant 68. C'est une grève, bon, la Rodia Citta. Alors, Colette Mani, il a fait une petite chanson là-dessus, bon, sur la grève à la Rodia Citta. Et les gens travaillent en 4-8, dans des conditions assez épouvantables. Le Trust, bon, il y a plusieurs filiales, il y en a à Lyon, il y en a à Vaise, etc. Le patron veut introduire du chômage et obliger les ouvriers à prendre les jours de chômage sur leur congé. Donc là, c'est une super grève qui va durer longtemps, avec une solidarité étudiant-ouvrier, paysan-ouvrier, et qui va marquer l'avant 68. Bon, il faut dire qu'en 66, là je fais un petit rappel, la CFDT a signé un accord d'unité d'action avec la CGT. Cet accord, il a une petite histoire, c'est-à-dire que Eugène Descamps, même dirigeant de gauche, qui sera toujours présenté comme un dirigeant de gauche, il va voir en 65 le François Sérac, qui est le patron des patrons de l'époque, Conseil national du patronat français, le CNPF, pour lui proposer la mise en place d'une politique contractuelle. Voilà, gagnant-gagnant, donnant-donnant, bon, rien de nouveau sous le soleil, et ça va être refusé par le CNPF. Bon. Donc là, c'est ce qui va pousser Descamps à proposer l'unité d'action à la CGT. Elle sera également proposée à FO, qui refusera par anticommunisme, bon, parce que là, voilà, il ne peut pas encadrer la CGT. Donc cet accord sur l'unité d'action, il va être important parce qu'il va encourager, d'une certaine manière, la conflictualité. Il va y avoir des journées d'action. Alors aujourd'hui, ça nous fait un peu rigoler, les journées d'action, voilà, c'est plan-plan. Mais à cette époque, on constate qu'elles sont un encouragement à se mettre en lutte, à se mettre en grève, dans les petites boîtes, entre autres. Et ce qui est significatif, c'est le nombre de jours de travail perdu pour fait de grève. En 65, vous avez 979 000 journées perdues. En 66, 2 523 500. Et en 67, 4 203 600 journées de travail perdues pour fait de grève. Donc on voit bien que là, il y a une montée en flèche de la conflictualité ouvrière qui débouche sur mai 68. Mai 68, la CFDT, elle va être assez rapidement en phase avec le mouvement, on va dire. Pour une raison relativement simple, la CFDT est liée à l'UNEF, à la fois en partie une histoire commune, c'est-à-dire l'opposition à la guerre d'Algérie, dans laquelle l'UNEF a été active, et aussi par l'intermédiaire d'un petit parti dont on parlera, oui, qui est le PSU, le Parti Socialiste Unifié, qui sera un peu un parti charnière entre la gauche et l'extrême-gauche. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur le PSU, mais il va avoir son importance. Donc la CFDT appelle à la grève dès le 3 mai, elle participe à la grande manif unitaire contre la répression le 13 mai, et puis ensuite, bon, ben les choses s'emballent, c'est-à-dire que les grèves s'étendent, et pendant près de 4 semaines, on va avoir entre 9 millions, 10 millions de grévistes. Bon, les sources varient, mais en gros, voilà, c'est dans ces fourchettes-là. Le PC, la CGT, bon, cherche un peu à freiner, puis à canaliser un peu le mouvement, à empêcher la liaison ouvrier-étudiant. Et puis, vous avez des discussions, classiquement, qui s'engagent entre les syndicats, le gouvernement, qui aboutissent, je passe assez vite, aux accords de Grenelle le 27 mai. Ces accords qui vont être jugés insuffisants dans un nombre d'entreprises, entre des entreprises où il y a une forte présence syndicale. Bon, Georges Séguy, à l'époque secrétaire général de la CGT, va présenter aux ouvriers de Renault les accords de Grenelle. Il est un peu chahuté, le copain. Voilà. Donc, est-ce qui va un peu au-delà, c'est la question du pouvoir qui est donc posée, comme en témoignent les slogans « 10 ans, ça suffit »,« Le pouvoir est dans la rue » et tout le machin. Bon, les grèves continuent quand même. Et donc, à gauche, et donc aussi à la CFDT, on s'active pour essayer de trouver un débouché politique, parce qu'on se dit le pouvoir paraît un peu fortement déstabilisé, vacillant. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir tout de suite à voilà, un gouvernement de rechange, hein, c'est aussi clair que ça. Donc, on va avoir un peu une tentative de mettre en place un cabinet noir, on dirait comme ça aujourd'hui, avec en la personne de Pierre Mendès-France, donc politicien... Par ailleurs, bon, qu'on peut juger honorable, enfin, que Martin Pierre a aidé à la fin de la guerre d'Indochine, etc. Donc, comme un peu solution de rechange. Ça va être l'opération rassemblement au stade de Charletti, auquel appelle l'UNEF. Donc, il y aura 80 000 personnes. Le PSU appelle. Mais il manque quand même pas mal de monde. Il manque le PC, qui n'a pas du tout envie de voir De Gaulle tomber, parce que pour des raisons géostratégiques, géopolitiques, l'URSS à l'époque n'a pas envie que ce soit le bordel ici. Bon, De Gaulle, il a quand même pris des positions sur l'indépendance nationale, sortie de l'OTAN, tout ça. Bon, on n'a pas envie de déstabiliser tout ça. Donc il manque la CGT, et par conséquent, il manque le SNES, qui est à l'époque très proche du PC. La CFDT, elle dit, on y va pas. Bon, ben, on va envoyer Krumnov, hein, c'est le plus gaucho. Donc c'est Krumnov qui prend la parole au stade Charletti, devant 80 000 personnes. Il est très applaudi, il fait une intervention sur la solidarité ouvrier-étudiant, sur votre combat est le nôtre, et la liberté dans l'université, la liberté dans l'entreprise. C'est un combat de longue haleine contre le capitalisme, etc. Bon, il est très applaudi. Bon, il fait un petit peu la leçon aux étudiants qui conspuent les accords de Grenelle en leur disant « Les cocos, vous êtes gentils ». Enfin, il ne leur dit pas comme ça, mais dans, là où je bosse, les salaires, c'est 500 francs, c'est 600 francs. Donc, bon, tout ce qu'on peut prendre est bon à prendre, quoi. Voilà, il fait un boulot d'intervention de syndicaliste, voilà. On arrive à début juin avec un début de reprise du travail, des interventions policières qui se multiplient dans les boîtes. La mort de Gilles Tautin à Flin, qui est un jeune lycéen qui se fout dans la Seine pour échapper aux flics et qui meurt. Vous avez deux morts à Sochaux le 11 juin dans des affrontements avec la police. Mais en gros, du 17 au 28, vous avez reprise du travail à Renault, Citroën, Berliet, usine Nord-Dunkerque. Bon, c'est pas des PME, quoi. Donc il y a une tendance à la reprise. Entre-temps, De Gaulle disparaît. On se dit où c'est qu'il est passé, on sait qu'il est allé voir ensuite le camarade Massu à Baden-Baden. Alors, il revient, il annonce pas du tout sa démission, mais il annonce des élections législatives qui vont avoir lieu. Le parti gaulliste se ressaisit, les balles rappellent de tous ses réseaux, c'est la manifestation de fin juin sur les Champs-Élysées, plus d'un million de personnes. Au cri de « Lâche Jean-Louis, ça suffit », et de temps en temps de « Cohn-Bendit à Dachau » comme petite joyeuseté. Voilà. Donc les élections législatives, on sait ce que ça donne, c'est un raz-de-marée gaulliste. Voilà. Donc voilà comment se termine mai 68. Et donc la CFDT va essayer de tirer un bilan de ce mouvement quand même exceptionnel. Qu'est-ce qu'elle en dit ? Des choses assez minces. Elle dit « c'est une victoire syndicale, une défaite politique ». Ben oui, victoire syndicale parce qu'on a obtenu les 40 heures. Le SMIC augmenté de 35%, ce qui, à l'époque, on est loin d'être négligeable, il faut le reconnaître. Les autres salaires sont augmentés de 10%. Il y a la reconnaissance du droit à la formation et la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Voilà. Bon, donc, bilan syndical, revendicatif, bon, mitigé, mais quand même positif. Et la défaite politique, ben, il l'analyse comme liée à la division de la gauche en raison d'orientation et de conception politique divergentes. Donc, 69, vous avez le départ de De Gaulle suite à l'échec d'un référendum qu'il propose. C'est Pompidou qui arrive au pouvoir. Il tente un peu des réformes de modernisation, comme ça se fait dans ce genre de circonstances, généralement. Commande comme Premier ministre, vous avez Chaban-Delmas qui défend alors un concept un peu marketing, on dirait aujourd'hui, la nouvelle société. Alors, la nouvelle société, c'est les vieilles lunes de la participation aux bénéfices, c'est la politique contractuelle, et il a comme conseiller Jacques Delors, qui est membre de la CFDT. Voilà. Cette politique contractuelle, bon, cette politique de modernisation, elle se traduit aussi à l'université, mais bon, j'ai pas étudié ça, c'est les lois avec Edgar Faure, enfin, etc. Elle va assez rapidement, on dirait, faire un peu chou blanc. Pour deux raisons. C'est que d'une part, vous avez un revanchisme patronal assez vite virulent, c'est-à-dire, bon, ils ont senti passer le vent du boulet, et donc, très vite après 68, une tentative de regrignoter ce qui avait été concédé. Il y a une répression antisyndicale qui est assez forte. Et vous avez une reprise de la conflictualité assez rapidement. C'est une chose étonnante, hein, raz-de-marée gaulliste à l'Assemblée, mais dès 70-71, les conflits sociaux reprennent. La CFDT, entre-temps, a quand même gagné 200 000 adhérents entre 68 et 71. Et elle atteint 1 077 000 syndiqués, à peu près. Alors, ça va être un peu l'apogée, en termes numériques, hein, de la CFDT. À titre de comparaison, la CGT, en 68, elle a 2 300 000 adhérents. Bon, je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais bon, de temps en temps, ça donne un point de repère sur les rapports de force internes ou intersyndicaux, etc. En 70, vous avez le premier congrès de la CFDT post-68, donc le congrès d'Issy-les-Moulineaux, avec trois courants en présence autour de trois textes. Alors, il y a une motion d'orientation générale qui préconise la démocratisation de l'entreprise, etc., dans laquelle on retrouve un peu, je dirais, l'aile gradualiste institutionnelle. C'est une motion qui va être très rapidement minoritaire. Et les deux autres motions vont être, en gros, se séparer entre deux options de gauche. L'une qui est défendue par Desclerc et les Pays de Loire, qui prône l'appropriation collective des moyens de production, mais avec, comme axe central, la planification démocratique. Je cite, « La planification démocratique est rendue possible par un début d'appropriation sociale comme une étape essentielle. » Et la troisième motion autour de Krumnov, qui est le dirigeant, j'ai oublié de le mentionner, de la fédération Aquitex, c'est-à-dire habillement, cuir, textile, qui est quelque chose à l'époque, bon aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de fringues et de cartables qui sont fabriquées en France, mais à cette époque-là, ça pesait quand même de manière significative. Et Krumnov lui dit « Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que l'autogestion soit possible, pas plus que la planification démocratique dans une société capitaliste. » Donc le débat il va avoir lieu entre ces deux courants. Le premier courant, Edmond Maire lui reste un peu en retrait, c'est lui qui défend la première motion, parce que lui, ce qui l'intéresse, il prépare une réforme des statuts. Alors la réforme des statuts, je pense que je préfère peut-être une incise dans le débat, parce que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, bon, elle va renforcer un peu la verticalité de l'appareil, pour résumer beaucoup, beaucoup les choses. Bon. Et donc, il va y avoir une synthèse en 71 de ce débat, alors autour de l'option autogestionnaire réaffirmée. L'axe du changement, c'est la mobilisation de masse, la lutte pour l'égalité homme-femme, solidarité avec le tiers-monde et les luttes internationales. Bon, la CFDT s'engage dans la lutte contre la guerre du Vietnam, etc., etc. Bon. Il va se produire à cette époque-là, j'ai choisi ensuite de m'attarder sur deux ou trois conflits qui vont être un peu des conflits emblématiques. Bon, des conflits, le bouquin de Vignat, qui est très bien, je vous l'ai déjà dit, il est plein de tableaux à la fin. Il fait une chronologie des conflits sociaux de 68 à bon, toutes les années 70. Voilà. Je ne veux pas vous en faire la recension, mais c'est extrêmement intéressant. Avec les boîtes, qu'est-ce qu'on y faisait ? Des gants, des chaussures ou des sèche-cheveux, le nombre d'entreprises, le type de revendications, etc. Donc c'est extrêmement instructif. Moi, je vais vous parler simplement de trois grèves. Une, c'est la grève à Penaroya, qui est entre autres une filiale à Lyon. C'est une entreprise métallurgique où une grève se déclenche, une centaine de travailleurs maghrébins qui se mettent en grève, autour de revendications salariales. Ils vont voir la CGT qui refuse de créer une section syndicale, bon, pour des raisons un peu obscures. Donc c'est une section CFDT qui va se créer et qui va être tout à fait active. Donc il va avoir 32 jours de grève, une pratique collective du contrôle des délégués, la création d'un comité de soutien avec Gala, Francis Casseleville, Léo Ferré, Paco Ibanez viennent chanter. Il y a la réalisation d'un film, des intellectuels soutiennent la grève, Pierre Vidal-Naquet, Daniel Guérin, ils se déplacent. Il y a pas mal de fric qui est collecté. Et finalement, bon, la grève se termine, les salariés ont obtenu satisfaction et en plus ils n'ont pas perdu tellement de fric. Il y a une autre grève qui est importante en 72, c'est la grève du Joint français, entreprise de la métallurgie à Saint-Brieuc. Là aussi, revendication salariale à l'origine, et c'est une grève qui va être à la fois avoir un impact régional, voire national. Moi, je me rappelle, j'étais dans le Jura à l'époque, on a diffusé des tracts de soutien à la grève au Joint français, on avait fait des collectes. Donc c'est une grève avec occupation des locaux. Il y a une minorité très active de la CFDT. Bon, ils sont assignés au tribunal, puis évacués par les gardes mobiles parce qu'ils occupent l'usine. Il y a un comité de soutien, là aussi, qui est lancé malgré une forte réticence de la CGT. Dans le comité de soutien, c'est assez large. Ça va du PS, le PSU, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, et oui, l'extrême gauche, les petits commerçants, C'est aussi une période où il y a une montée en puissance de la grande distribution et des bagarres assez virulentes des petits commerçants avec un mouvement qui était par ailleurs assez décrié comme Poujadis, qui était le Cid Unati, la figure en étant Gérard Nicou, un petit commerçant de Bourgoin-Jallieu, je crois. Voilà. Vous avez sur cette grève le soutien de l'Église également, bon, on est en Bretagne. Hein. Vous avez la séquestration des directeurs parisiens qui sont envoyés pour négocier, qui sont libérés par les flics, et des manifestations dans toute la Bretagne après l'intervention de la police à Brest, Vannes, Landerneau, Lorient, Carhaix. Le conseiller général de droite vote un soutien financier aux grévistes. Même le journal La Nation, qui est le journal du parti gaulliste, qui est l'UDR à l'époque, apporte son soutien et fustige l'intransigeance de la direction. Donc avec un soutien, je dirais, aussi massif, ils sont quand même obligés de caler. Et bon, il y a un accord qui est trouvé au terme d'une grève qui aura quand même duré 8 semaines. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette grève-là, de ces grèves-là ? À la fois, quelques caractéristiques. Il y a la création de formes un peu d'auto-organisation ou de contrôle du syndicat, qui accepte d'être à la fois très actif, mais aussi de se mettre un peu en retrait et de laisser les choses un peu s'auto-organiser. Vous avez la création de comités de soutien. Ça, c'est pas bien vu par la CGT. C'est des choses qui sont parfois conflictuelles, les comités de soutien, y compris à l'intérieur de la CFDT. Krumnov, il aura parfois des mots assez durs sur les comités de soutien. Parce qu'à cette époque-là, il draine toute l'extrême gauche, les libertaires, les mouvements féministes, etc. Les dirigeants de la CFDT, même très à gauche, même autogestionnaires, ils s'empaillent parfois avec des gens qui disent ils vont de grève en grève, bon, pour picorer, pour recruter, pour faire donner des leçons aux ouvriers, etc. Mais grosso modo, même dans une relative tension, c'est quand même une forme de soutien qui est acceptée. Et dans le cas du Jouet français, c'est quelque chose qui va être flagrant, c'est la dimension régionale du conflit. C'est-à-dire qu'au-delà de la grève, ça pose la question, c'est aussi une période de revendication régionaliste en Bretagne. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des tas de mouvements de gauche, d'extrême gauche, l'UDB, il y en a d'autres, dirais, qui se positionnent pour l'autonomie, l'indépendance de la Bretagne. On défile dans les manifs avec les drapeaux rouges, noirs, mais le drapeau breton. Il y a tout le mouvement autour de la chanson bretonne, Alain Stivell, Gilles Servage, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc il y a tout ce fond, on dirait, c'est véritablement une région qui soutient cette grève, bon, et qui pose, alors on peut rétrospectivement en discuter et savoir que c'était quoi le contenu de ça, mais qui pose la question du sous-développement régional. Et ça, on va voir ça dans d'autres conflits, dans d'autres régions. Je pense à Besançon, entre autres, où il y avait une grève sur un sanatorium, et où était posé le sous-développement réel ou supposé de la région en termes hospitaliers, sanitaires, etc. Donc, ces conflits, ils vont aussi dessiner une implantation géographique de la CFDT, dont on voit qu'elle épouse les régions catholiques. Alors, le Nord, les anciennes régions du christianisme social, voilà, bon, le Nord en partie, l'Est, Alsace, Franche-Comté, une partie du Massif central, au puits, dans des petites boîtes autour du textile, la dentelle et tout le machin. Donc, il y a une territorialisation de la CFDT sur des secteurs qui sont peu ou moins couverts quand même par la CGT, ce qui ne veut pas dire qu'elle en soit absente, bien évidemment. Voilà, ce qu'on s'aperçoit au cours de ces grèves-là aussi, et il va en avoir donc toute une flopée, c'est que la CFDT, elle apparaît comme relativement en phase avec les aspirations qui ont été portées par 68. C'est-à-dire qu'elle rencontre un prolétariat plus jeune qui a eu l'expérience de 68, la main-d'œuvre féminine. Il y a beaucoup de grèves qui se déclenchent contre le despotisme usinier, dit Xavier Vignat, c'est-à-dire de l'encadrement masculin ou de l'encadrement d'anciens militaires, d'anciens flics. Je pense à la grève à Hutchinson à Châtellerault, la grève à Cerizay, qui sera une grève célèbre quelques années plus tard, où du nouveau salariat, des nouveaux composants du salariat se mettent en lutte. La question du salariat immigré qui est également posée. Et la CFDT va rencontrer ces secteurs-là, va s'y intéresser, et en même temps va être ouverte à tout ce qui traverse la période, qui est une période d'intense effervescence politico-culturelle, où tout est mis en cause. Il y a l'éclosion d'une presse on dirait indépendante, on dirait, ou militante, etc., avec pléthore de journaux. Vous avez la création de Riz Ouvrier, il y a des bouquins qui sortent de témoignages, il y en a eu d'ailleurs qui ont été des succès, Voyage à Paimpol de Dorothée Le Tessier, La Nuit des Machines, enfin, des récits ouvriers flins sans fin de Nicolas Dubosc. Vous avez un cinéma qui est créé, qui naît aussi à l'époque de ces trucs-là, L'An 01, les films de Zemrock de Claude Faraldo, La Coupe à 10 francs, un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, d'un jeune ouvrier dans une usine de l'Oise où le patron veut leur faire couper les cheveux, voilà, bon, il y a tout un conflit qui se fait et qui se termine de manière assez dramatique, mais qui est une histoire réelle. Hein. Donc, aucun domaine, aucune institution n'échappe à une remise en cause à la critique. Ça va être la santé, avec la création du groupe Information Santé, puis du groupe Information Asile, du syndicat général de la médecine qui se crée à cette époque-là. Ça va être les questions de justice avec la création du syndicat de la magistrature. La prison, 74, vous avez les mutineries à Nancy, à Toul, et la création du groupe Information Justice, puis ensuite le comité d'action des prisonniers. Donc bon, je ne vais pas faire tout le descriptif, hein. Les luttes dans les foyers immigrés, la lutte dans les foyers de jeunes travailleurs, dans les foyers de jeunes filles. Donc aucun domaine n'échappe à la critique. Et bien évidemment, cette effervescence, elle ne reste pas cantonnée à l'extérieur de l'usine. Elle va traverser le salariat, elle va traverser l'usine, et elle va nourrir des mouvements de refus, des mouvements de révolte, des mouvements de refus du travail aussi. Bon, que la CFDT, je dirais, épousera. Tant bien que mal, mais en partie, voilà. Bon, parce que c'est aussi un syndicat et il se crée et défend dans le cadre du salariat. C'est aussi la naissance de l'écologie politique. Bon, candidature de René Dumont en 74, la création de la gueule ouverte, du sauvage, du groupe Survivre et Vivre. Donc la CFDT va aussi intervenir sur ce secteur-là, le combat anti-nucléaire. Bon, comment elle va se positionner en tant qu'organisation syndicale, voilà. Bon, je passe. Le troisième conflit, ça va être emblématique, c'est l'IP, on ne peut pas passer sans en dire un mot. L'IP, c'est 73, vous avez un secteur de l'horlogerie, c'est en gros 9000 salariés. C'est un secteur qui connaît des chamboulements, des restructurations des marchés liés au changement de mode de vie. Hein. Jusque-là, les montres, on en offrait pour la communion et puis pour les fêtes. Donc on travaillait pour des stocks, ça devient de moins en moins possible. Il y a de nouvelles méthodes qui débarquent, entre autres les montres Kelton, avec le slogan de l'époque qui était « Vous vous changez, changez de Kelton ». Donc, et des montres qui vont être vendues dans les bureaux de tabac et non plus dans les bijouteries. Des nouvelles méthodes, des produits plus bas de gamme, on va dire, et donc une restructuration du marché qui va aboutir à des difficultés de l'entreprise LIP. D'autres, mais bon, c'est LIP qui va nous intéresser plus particulièrement. LIP, c'est 1300 salariés, une présence syndicale, une vingtaine de militants et pas plus, donc 18 délégués, 9 délégués CGT, une section du PSU, c'est souvent les mêmes que la CFDT, bon, Piaget, mais également d'autres, et 2 ou 3 militants PC, et quelques Mao de la gauche prolétarienne. Voilà, donc la direction, comment elle répond à ces difficultés, de manière classique, c'est-à-dire, on va essayer de renier sur les acquis sociaux, on va essayer de mettre en place du chômage partiel, etc. Réponse syndicale, ça va être dans un premier temps pas la grève, mais ça va être la réduction des cadences. Piaget, il dit, il faut réduire la dépendance au travail pour accroître la disponibilité à la lutte. C'est beau, ça, hein ? Et donc, ils vont défiler dans l'usine, essayer d'aller voir ceux qui ne font pas grève, discuter, etc. Enfin bon, quelque chose, là encore, où on retrouve les militants chrétiens, convaincre, agir, juger, enfin bon, la volonté de dialogue, etc. À l'intérieur, rapidement, ils vont créer un comité d'action, quelque chose donc qui va dépasser le cadre de la section syndicale. Un type va jouer un rôle important, c'est Jean Raguenès, qui est un dominicain établi à l'IP autour de ce comité d'action. C'est un comité d'action où il y aura 130 personnes, en quelque sorte, chaque jour, tout au long du conflit. Et ça va être la structure d'animation de la lutte, avec mise en place d'AG quotidienne. 800 personnes, en gros, y participent, bon, en moyenne. Vous avez divers épisodes, séquestration des administrateurs provisoires qui sont envoyés pour négocier. Et là, ils découvrent dans les attachés caisses qu'il y a un plan de licenciement, on est programmé. D'où, dans la foulée, occupation de l'usine et saisie d'un stock de montres pour une valeur de 500 millions de francs de l'époque. Ces montres sont mises à l'abri. et en particulier chez les curés du Haut-Doubs qui vont être les receleurs des montres de l'IP, voilà, pendant une grande partie du conflit. 18 juin, l'AG décide la remise en route de l'usine et la mise en place de diverses commissions, popularisation, production, démarchage pour les ventes, ouverture de l'usine au public. Bon, tout le monde va y défiler, toute la gauche syndicale, extrême gauche, mouvement libertaire de France, de Navarre et de l'étranger défile à l'IP, viennent voir ce qui se passe. Les journalistes y circulent librement, ça c'est aussi intéressant à noter. Il y a des débats partout, on vient de partout. Bon. Ils font une première paye ouvrière en août. Alors, il y a débat autour de salaire hiérarchisé ou pas hiérarchisé. Bon. Mais rapidement, ça j'en ai discuté avec Piaget, il me dit, ben non, rapidement, ça a été, on va maintenir la hiérarchie des salaires. Au grand dam de Raguenès, par exemple, qui lui dit, c'est une grande défaite, qu'on n'ait pas... Piaget, il dit, mais oui, mais les gens, ils étaient en grève, mais il y en a, ils avaient acheté une maison, une bagnole, une machine à laver, une armoire à cuillère, enfin bon, on n'a pas pu. Bon. Donc ils ont maintenu la hiérarchie des salaires, mais il y avait également 10% des salaires qui allaient aux autres luttes. Bon. C'était pas ponctionné, prélevé à la source, mais il y avait une caisse comme à Écran Total où on était invité à verser 10% de son salaire pour financer les autres luttes. Bon. En août, les flics investissent l'usine, ils virent les grévistes de l'usine qui se trouvent expulsés donc, du lieu de la production. Ils vont trouver refuge dans un gymnase prêté par la municipalité PS de l'époque. C'est l'époque aussi, août, où il y a 200 ouvriers de l'IP qui se rendent au Larzac. Ils créent un petit bulletin de liaison LIP Unité et il y a des comités de soutien qui se mettent en place dans toute la France avec organisation de débats et de ventes sauvages de montres puisqu'ils avaient quand même un bon stock, puis ils avaient prélevé des pièces, etc. Et appel à une marche sur Besançon qui aura lieu le 23 septembre où il y aura 100 000 personnes, où la CFDT en tant que confédération n'appelle pas, c'est appelé par les structures locales de la CFDT. La CGT n'appelle pas non plus, mais il y aura des gens de la CGT, bien évidemment. Il y aura quand même 100 000 personnes. Et puis, il va se mettre en place un projet industriel autour d'un patron moderniste, Claude Neufschwander, par ailleurs membre du PSU et proche de Rocard, qui aboutira à la reprise d'une grande partie des salariés sur 2 ans, entre le 74 et 75. Bon, il y aura 900 salariés qui progressivement retrouveront leur place sans diminution de salaire, etc. Bon. Donc, l'IP... Je vais passer pas mal d'épisodes, hein, j'ai vraiment résumé. C'est une lutte qui va avoir une énorme importance, à la fois en termes symboliques, non pas tant qu'elle aurait fait école de manière significative numériquement. Toujours le bouquin de Vina lui recense à peu près une vingtaine d'entreprises qui ont pratiqué la grève productive, de produire des objets pour les vendre et pour financer la lutte. Alors, il y a eu Cerizet dans le bocage vendéen, où c'était des ouvrières, elles faisaient des chemisiers, donc elles ont fait des chemisiers, ça c'est facile à vendre. Il y a eu Westinghouse, ils faisaient des ascenseurs, ça c'est un peu plus difficile à vendre. Donc ils ont prélevé de la ferraille, et ils ont fabriqué des objets en fer forgé, qu'ils ont vendus, je ne sais pas avec quel succès, mais pour financer les luttes. Voilà. Mais par ailleurs, au-delà de des grèves productives, il y a eu des tentatives de coordination des luttes. Bon, il y avait une inspiration qui résultait de cette expérience de lutte assez exceptionnelle. Bon. Alors, maintenant, les effets dans la CFDT de l'affaire de l'IP. Évidemment, bon, officiellement, ils soutiennent. Quand même, c'est les militants, ils sont connus. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va réactiver les divergences internes et les divergences d'orientation qui traversent la Confédération. La Fédération de la Métallurgie, elle soutient officiellement les LIP, mais en interne, elle critique dans des documents la section de LIP sur 3 points. Elle lui reproche de ne pas s'être réunie pendant le conflit. Elle reproche l'existence du comité d'action. Elle reproche le fait que l'Assemblée Générale soit souveraine et exerce sa suprématie sur le syndicat. Et parallèlement, elle réaffirme la priorité à un syndicalisme de proposition plus que de contestation anticapitaliste que la section de l'IP représente. Au congrès de la Fédération de la Métallurgie en 1974 à Grenoble, vous avez un éloge dithyrambique de la lutte, mais il n'y a aucun membre de la section qui ont été en lutte à l'IP qui a élu un poste de direction. Et dans l'ouvrage collectif fait par... Alors, ça je vais vous en lire un petit extrait quand même, je n'y résiste pas. Par Edmond Maire et Charles Piaget, mais toute une série à la fois d'acteurs de la lutte, et le représentant de la Confédération, Jacques Charest, s'est mélangé. Il y a un petit extrait qui est, c'est Edmond Baird qui parle. Edmond Baird, alors bon, toute une partie, c'est vraiment les lauriers, les militants de l'IP, ils sont d'une qualité exceptionnelle, c'est vraiment des gens d'un dévouement, d'une écoute, etc. Mais ils n'ont sans doute pas assez perçu, surtout au début, le rôle que pouvait jouer la Confédération et sa Fédération de la Métallurgie pour donner à cette sympathie une assise plus large. Il était en effet indispensable d'éviter que se constitue dans la région de Besançon une sorte de zone rouge, entre guillemets, cernée par une France inquiète, réticente ou incrédule. Et un peu plus loin, il dit, mais ils n'ont pas tardé à découvrir que compte tenu de l'ampleur qu'avait pris leur conflit, le développement de cette action et les solutions pour la mener à bien ne relevaient plus d'eux seuls. Ils ne pouvaient pas disposer de tous les éléments. D'autres lieux de synthèse se révélaient indispensables, car un certain nombre de facteurs, au-delà de ceux qu'ils maîtrisaient sur place, allaient jouer un rôle décisif. Leur action s'inscrivait dans une perspective qu'ils n'étaient pas à même seuls de pouvoir dégager. Ils disposaient d'éléments et d'informations dont ils ne pouvaient pas, à eux seuls, tirer un plein profit. Ils ont alors découvert que l'imagination et la prise de responsabilité ne suffisaient pas. Il fallait leur associer la compétence. Voilà. Donc ça, c'est le brave Edmond Baird, paix à son âme, voilà, bon, qui nous a quittés récemment. Voilà à peu près comment les choses se vivent en interne. J'en arrive à 1974. Bon, en 1974, il y a des élections présidentielles. Vous vous en rappelez peut-être, Giscard, Mitterrand, etc. Et il y a toute une partie de la gauche mouvementiste qui propose la candidature de Charles Piaget, qui va être soutenue par le PSU, la LCR, l'Alliance marxiste révolutionnaire, etc., des sections de base LIP, etc., SFDT et tout, qui est tout de suite condamnée par la Confédération et la Fédération, qui, elles, sont sur un tout autre projet, qui sont les Assises du socialisme, qui est un appel à soutenir la candidature de Mitterrand, appel qui va être signé par une quarantaine de responsables confédéraux quand même, avec l'idée de rééquilibrer l'union de la gauche qui s'était constituée en 72 autour de la signature du programme commun PS, PC, Mouvement des radicaux de gauche, de rééquilibrer cette union de la gauche avec un pôle autogestionnaire. Pôle autogestionnaire, bon, plutôt affadi, hein. Donc on va avoir ces deux orientations qui vont aboutir à ce que la CFDT appuie la candidature de Mitterrand. Bon, le résultat, c'est que ce n'est pas Mitterrand qui passe en 1974, mais c'est Giscard. Voilà. Donc 1974, vous avez encore deux mouvements de grève très importants, cette fois-ci dans les services, avec la grève des banques. Là aussi, mouvement d'auto-organisation, où la CFDT joue un rôle important, comité de grève, et la grève des PTT. Les PTT, à l'époque, c'est 400 000 salariés. C'est la période où la France giscardienne se couvre de téléphones chez tout un chacun. C'est-à-dire c'est sous Giscard que le téléphone arrive à peu près dans chaque foyer. Il y a déjà à l'époque un projet de séparer la poste des télécommunications. Bon, Giscard en avait rêvé qu'il laisse l'affaire. C'est une administration où il y a un salariat jeune qui lui aussi a traversé 68, donc assez radicalisé. Et il y a une grève qui va démarrer dans les centres de tri. Bon, ce qui aura contribué à mettre le feu aux poudres, c'est que le secrétaire d'État à la communication télécom dit que pour travailler dans les centres de tri, c'est un boulot d'idiot. Donc voilà, il y a les idiots, maintenant on a les feignants, après on a les pauvres cons avant. Enfin bon. Mais il y a quand même une constante dans le mépris gouvernemental qu'on peut retrouver. Bon. Tout ça se déroule donc sur fond de conflictualité sociale, mais en même temps avec l'œil sans arrêt rivé sur qu'est-ce qui se passe à gauche. Donc je vous ai dit, la signature du programme commun, ça n'a pas été une mince affaire, hein. C'est quelque chose qui a eu une réelle dynamique, c'est-à-dire que 77, vous avez une vague de municipalités qui sont conquises par la gauche unie, mais les législatives de l'année d'après, ils se ramassent lamentablement, parce qu'entre-temps, il y a rupture entre le PS et le PC. Voilà, parce que le PS, on parle du nouveau parti socialiste, hein, donc créé en 71, j'ai oublié de le mentionner, à Épinay, c'est donc le parti socialiste d'Épinay, congrès d'Épinay, là aussi avec discours de Mitterrand, quand vous le relisez, C'est un discours du NPA aujourd'hui, hein, contre le capitalisme, la rupture, le monde de l'argent, etc. Et donc il va y avoir rupture de cette union à l'initiative du PC, qui sent qu'il se fait un peu manger la laine sous le dos par le PS, qui est le PS qui est renouvelé, qui se montre à l'écoute des mouvements sociaux, intéressé par l'autogestion, même si c'est d'une manière très calculatrice et très modérée. Donc le PS bénéficie du début un peu du délitement et de la crise de l'extrême-gauche aussi, parallèlement. Il faut voir aussi qu'il y a eu, au plan international, vous avez eu donc l'écrasement de l'unité populaire au Chili en 73, vous avez l'expérience portugaise. Donc tout ça, c'est des débats qui sont omniprésents au cours des années 70 dans les milieux syndicaux et politiques. Et puis donc, législatives de 78 vont avoir un effet de démoralisation importante. La CFDT, Edmond Maire, va rencontrer Giscard d'Estaing sitôt qu'il est élu. Et commence à s'amorcer ce qui va être le début d'une autre histoire, c'est-à-dire que dans lesquelles je ne veux pas rentrer, qui va être le début de ce qu'on a appelé le recentrage, à savoir comment la CFDT ensuite est passée en gros de l'autogestion à l'accompagnement social de la crise. Bon, mais ça, c'est pourrait faire l'objet, je dirais, faudrait un autre exposé pour rentrer dans cette histoire et pourquoi. Bon, ce qu'on peut en tirer là, en guise de conclusion sur la CFDT des années 70. Qu'est-ce qu'on pourrait résumer? Moi, il me semble que ce qu'on peut affirmer, c'est qu'une partie de la CFDT a contribué à populariser quand même à une échelle de masse des idées d'autogestion, de planification démocratique, de socialisme autogestionnaire, qu'elle a impulsé des pratiques démocratiques dans la conduite des luttes, qu'elle a su répondre en partie aux aspirations de nouvelles couches ouvrières, femmes, immigrées, jeunes, le prolétariat issu de l'exode rural aussi, qu'elle a su traduire leur radicalité en revendications, en méthodes de lutte, parce que bon, elle a défendu quand même les augmentations uniformes de salaire contre les augmentations en pourcentage qui étaient défendues par la CGT. Parfois, les revendications n'ont même pas été des revendications salariales. Il y a eu une lutte pendant des mois dans les usines Gégère, les compteurs, hein, à Caen, où la revendication c'était la baisse des cadences. Et où c'est une usine où il y avait pas mal d'ouvrières, où s'est organisée pendant des mois la baisse des cadences. Donc elle a fait le choix de formes et de méthodes de lutte un peu inventives. Elle a à un moment donné fait le choix de l'illégalité dans les séquestrations, les affrontements avec la police, et ça a été particulièrement, enfin dans la dernière partie, hein, je dirais 77-79, les luttes de la sidérurgie en Lorraine, où ça a été bon, à la fois le champ du cygne, mais en même temps, je dirais, l'apogée des affrontements, de la violence des affrontements sociaux, où la CFDT a été en première ligne, hein, localement. En Lorraine, les sections, ils avaient créé Radio SOS Emploi, Giovanni Hardy, enfin, ils avaient produit des documents aussi, où va la sidérurgie, et ils ont été cassés par les instances. Donc ça s'est terminé, ça, par la marche sur Paris, là, du 23 mars 77, auquel appelait la CGT, et la CFDT Lorraine, mais qui était condamnée par la CFDT nationale, y compris avec la dissolution de section, comme à Isénor Dunkerque. Moi, ce qui me semblait qu'on pouvait en tirer, donc il y avait un peu la question du pouvoir qui était posée. Pour autant, je pense que si elle a su capter les révoltes d'une partie, la radicalité d'une partie du prolétariat de cette époque, de la classe ouvrière de cette époque-là, si elle a procédé à des élaborations critiques, quand on lit la revue théorique qui était celle de la CFDT, qui s'appelait CFDT aujourd'hui, j'en donne quelques intitulés, hein, certains numéros, il y a des choses qui nous intéressent particulièrement, c'est-à-dire progrès technique et division du travail, l'informatisation du secteur tertiaire, le socialisme 2. Autogestion plus ordinateur, avec un point d'interrogation, Gégère, un an de lutte sur les cadences. Bon, il y a toute une série de choses comme ça, d'élaboration. Ce bouquin, Les dégâts du progrès, les travailleurs face aux changements techniques, c'est un bouquin quand même qui s'est... 77. Il s'est vendu à 20 000 exemplaires. C'est pas négligeable, quoi. Quand on lit les textes de Krumnov et de la Fédération Equitex, vous avez des tas de critiques sur la société de consommation, sur, ils ne l'appelaient pas encore comme ça, ils n'appelaient pas l'obsolescence programmée, mais l'affaiblissement volontaire de la qualité des produits. Mais, qu'ils constataient de visu dans le textile, dans l'habillement, par exemple. Krumnov, qui avait sans doute lu Illich, dit des choses fort intéressantes sur la critique de la société industrielle, mais tout en disant qu'il ne lui semble pas possible d'en revenir à des formes, dirais, pré-capitalistes et que le dépassement, la critique du progrès, doit intégrer la dimension industrielle. Alors bon, je ne sais pas véritablement, je n'ai pas creusé ce qu'il entend par là. Je pense qu'il y a encore tout un boulot à faire autour de ces questions, de ces revues, de ces textes, auquel je ne me suis pas livré dans le cadre de cet exposé. Voilà. Et en conclusion, on peut dire que la gauche mouvementiste de la CFDT, ça va aller jusqu'en 1995, avec les oppositions syndicales, bon ça j'y ai participé, et peu à peu l'éviction ou la rupture ou le départ de pans entiers de la CFDT pour créer, alors ça va être Sud PTT en 1988, Sud Santé Sociale en 1988, Sud Rail en 1995, qui va aboutir à un affaiblissement numérique assez considérable de la CFDT dans un premier temps, mais qu'elle va arriver à compenser depuis. Et là, bon, la CFDT a à peu près retrouvé son étiage de 800 000 salariés. Je pense qu'on s'est trompé à Sud, on pensait qu'ils allaient continuer à s'écrouler comme ça, parce que c'était des vendus, entre guillemets, tout machin, qui signaient tout n'importe quoi. C'est pas le cas. Ils ont trouvé, derrière un créneau, une place, et qui défendent, de point de vue institutionnel, et qui leur permet de se maintenir. Voilà, j'en ai terminé. Bon, on discutera tout à l'heure. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racines de moins 1, où Claude Carré nous racontait l'histoire du syndicat CFDT, la Confédération Française Démocratique du Travail, dans les années 70, lorsqu'elle défendait encore des idées autogestionnaires. Et voilà, c'est une conférence qui a été donnée dans le cadre des rencontres, des cinquièmes rencontres Écran Total. Écran Total qui est un groupe qui tente de résister à la gestion et à l'informatisation de nos vies et qui se réunit tous les ans en automne. En général, là c'était l'automne 2017. Prochaine émission de Racines de moins 1 sera consacrée à la CFDT et aux luttes antinucléaires auxquelles elle a participé, en tout cas où un certain nombre de ses membres ont participé. Un exposé qui également été réalisé dans le cadre des rencontres Écran Total. Voilà, ce groupe Écran Total, on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus dans des prochaines émissions de Racines de moins 1, puisque j'ai pu enregistrer un certain nombre de choses autour de ça. Et on m'a filé aussi quelques enregistrements qui ont été réalisés à Radio Klaxon, la radio pirate de Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Racines de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Vous écoutez Radio Zinzine, il est 14h50 et donc dans 10 minutes, Miléa Schnaglaf, l'émission avec des vrais enfants dedans. Et en attendant, bien quelques petits jingles que vous avez certainement déjà entendus, mais qui sont toujours...